01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. Et pour aborder avec nous ce soir sur BFM Radio ce thème des nouveaux enjeux, des projets CRM, des projets de relations clients, je reçois trois invités. Notre premier invité est un spécialiste du CRM et de la business intelligence, tout ce qui est décisionnel. Il pense qu'il vaut mieux prédire que quérir. Voilà, on en saura plus avec lui, les directeurs marketing de Micropole Univers. Renaud Filas de Vilaine, bonsoir. Bonsoir. La communication personnalisée fait partie des forces de la société Neolan. Nous recevons le directeur des opérations Europe et cofondateur de cette société Neolan, Benoît Gourdon, bonsoir. Bonsoir. Notre troisième invité est un assureur. Il a mis en place une nouvelle méthode de relation client. Nous allons en savoir plus dans un instant avec lui. Il est directeur des services chez Generali. Vincent Lelong, bonsoir. Bonsoir. Et pour le coup de pouce à une start-up, cette semaine, Élise Barbet, journaliste chez 01, aura en ligne Miguel Valdez-Faura. Il est cofondateur de Bonitasoft. C'est une start-up spécialisée dans la gestion de processus open source. Vous voyez, c'est de la techno et bien de la techno. On en saura plus tout à l'heure avec Élise Barbet, qui viendra aussi nous parler dans sa chronique de l'impact des réseaux sociaux dans la stratégie commerciale des entreprises. Et l'occasion de rebondir là-dessus avec nos invités. Sans oublier Yann Serra, journaliste chez 01 Informatique, qui nous accompagne qui va nous rejoindre dans quelques instants, avec qui nous allons démarrer dans un premier tour du monde de l'actualité high-tech de la semaine. Voilà pour notre sommaire d'aujourd'hui, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Et nous démarrons tout de suite notre émission avec vous, Yann Serra, grand reporter à la rédaction de 01. Alors Yann, cette semaine, Dassault Systèmes, premier éditeur de logiciels français, débourse 600 millions d'euros. Plus gros rachat de son histoire, puis peut-être de l'histoire du logiciel français. Tout à fait. Et pour acheter une division d'IBM. Une division d'IBM, en fait, la division PLM. Alors la division PLM, c'est justement la division qui était chargée de vendre depuis 28 ans le logiciel CATIA de Dassault Systèmes. PLM, on va dire pour les éditeurs de BFM Radio, c'est Product Lifecycle Management, c'est la gestion du cycle de vie des produits. Exactement. Et donc, ce logiciel CATIA de Dassault Systèmes, c'est le logiciel qui permet notamment à Renault de concevoir ses voitures, à Airbus de concevoir ses avions. Et c'est le logiciel de CAO industriel qui existe, qui est vraiment la vedette. Et donc, ce logiciel était vendu jusqu'à présent par IBM. Et maintenant, donc, Dassault l'a récupéré pour 600 millions. Alors, c'est une très bonne affaire financière parce que CATIA a rapporté 400 millions d'euros sur ses ventes rien que pour les 9 premiers mois de l'année. Donc, une bonne affaire pour notre éditeur français, notre premier éditeur français et parmi les premiers éditeurs européens. Oui. Alors, vous êtes un fan, vous, de tout ce qui est Linux, Yann Serra, 01 Informatique. Et alors, vous en aviez un peu marre qu'on parle tout le temps de Windows 7. La semaine dernière, c'était le lancement mondial de Windows 7. Et bien, cette semaine, c'est celui d'une nouvelle version de Linux. Enfin, une nouvelle version d'Ubuntu Linux, plus exactement, puisque vous savez qu'il existe plusieurs Linux. Et celui d'Ubuntu, c'est un peu le Macintosh de la bande. Alors, il ne reste plus convivial et plus original. La grosse nouveauté, c'est qu'Ubuntu est maintenant livré avec un espace de stockage sur Internet pour que les utilisateurs puissent échanger plus facilement des documents. Et il y a même un kit pour vous aider à transformer votre salle informatique en cloud computing. Et avec l'option, on peut tout faire héberger chez Amazon, c'est ça ? Oui, exactement. C'est compatible avec Amazon, on peut tout faire héberger chez Amazon. Et c'est gratuit ? Et tout est gratuit, c'est du Linux, tout est gratuit. Bon, bah, c'est ça. Après, c'est peut-être l'intégration, il faudra payer un petit peu quand même, pour le rappeler. Alors, autre nouvelle au cours de la semaine, c'est Nokia qui pourrait réclamer jusqu'à 1 milliard de dollars à Apple. Oui, manifestement, le constructeur finlandais de téléphone n'a du mal à digérer le succès de l'iPhone. Et donc, il a intenté un procès contre Apple en fin de semaine dernière. Le motif, Apple aurait enfreint 10 brevets de téléphonie mobile. On ne sait pas si c'est justifié, mais on sait qu'il y a eu des précédents saignants dans le genre. Et puis pourquoi il se déclenche maintenant aussi. Ben, c'est ça, exactement. C'est peut-être le succès de l'iPhone qui fait un peu réfléchir tout Nokia. À fait. Et donc, l'année dernière, il y avait déjà eu un précédent. Nokia avait dû verser plus d'1,5 milliard de dollars à Qualcomm, justement pour les questions de brevets similaires. Donc, et pour mémoire, il faut quand même préciser que Nokia, c'est 35% du marché des téléphones, 35% de part de marché des téléphones portables. Et mais ça pas chute pas mal. Et ouais. Apple est à combien aujourd'hui? Apple est à 15% pour l'instant, mais en revanche, ça n'arrête pas de grimper. Alors Yann Serra, dans 01 Informatique aussi, cette semaine, on a vu des choses. Alors les salaires des cadres de l'informatique sont gelés depuis l'année dernière. Alors, on se doute un peu, l'effet crise, mais crise, oui. que nous dit l'APEC en plus. C'est une étude de l'APEC qui le révèle. Donc les cas des SS2I n'ont pas été augmentés depuis 2008, avec un salaire moyen de 40 000 euros. Il y a même des fonctions sinistrées, comme les experts système ou réseau, qui ont vu leur salaire à l'embauche passer de 38 000 à 36 000 euros. Alors ce qu'il faut retenir, c'est qu'un jeune diplômé est aujourd'hui embauché à 28 000 euros, qu'un cadre avec 10 ans d'expérience se recrute à 50 000 euros, qu'un demandeur d'emploi obtiendra 6 000 euros de moins qu'un cadre qui se fait débaucher, et que c'est dramatique, mais si vous êtes une femme, eh bien vous obtiendrez en moyenne 5 000 euros de moins que vos collègues masculins. Renaud Finazzo-Huyden, chez Micropole Univers, vous vous retrouvez un peu. C'est vrai que les salaires en embauche étaient plus compliqués cette année. Oui, c'est exact. Mais chez nous, les salaires sont plutôt de l'ordre de 30 000 euros. Mm-hmm. Donc chez Micropole Univers. Chez Micropole Univers, tout à fait. Par contre, effectivement, les salaires des cadres ont été gelés. On espère que sur 2009, ça ira mieux, mais c'est mal barré. Voilà, donc vous confirmez quand même l'information de l'APEC. Alors Yann Serra, Zéro Informatique, aussi a repéré, c'est Google qui va jouer les Big Brother avec les téléphones mobiles. Ouais, chaque semaine, la petite news Google. Au nom de la sacro-sainte mesure d'audience, Google saura demain ce que font les gens avec leur téléphone mobile, et ceci grâce à une nouvelle version de son logiciel espion, Google Analytics, qui enregistrera tous les sites que vous visiterez et toutes les applications que vous lancerez. Alors pour mémoire, Google Analytics, c'est pas nouveau. C'est, sans que vous vous en rendiez compte, il est déjà installé sur la plupart des sites commerçants pour scruter ce que vous y faites, soi-disant à des fins d'audit. Voilà, bah, affaire à suivre. Alors, des antivirus aussi piratés en quelques minutes. Oui, c'est très drôle. C'est ce qu'on a repéré cette semaine. Hein. C'est ce qu'on a pu constater lors d'un concours organisé le week-end dernier par l'École supérieure d'informatique de Laval. Des étudiants devaient parvenir à désactiver à distance des antivirus installés sous Windows en moins d'une heure. Eh bien, figurez-vous que l'antivirus de McAfee a survécu moins de 2 minutes aux assauts des étudiants. Norton, 4 minutes et AVG, 1 quart d'heure. Mention spéciale pour Kaspersky qui a tenu 40 minutes et pour Dr Webb qui est le seul à avoir résisté. Voilà, et donc c'était des assauts des étudiants de Laval, c'est peut-être eux qu'il faut féliciter, enfin féliciter, je ne sais pas si vous les féliciter, mais en tout cas ils ont de bonnes compétences techniques. Alors, pour contourner. Selon eux, en fait, ils auraient pu faire tomber Dr Webb aussi si on leur avait laissé quelques minutes de plus. Ah bon, quelques minutes, bon, et bien affaire à suivre. Alors, autre nouvelle de la semaine, c'est Internet Explorer qui continue de perdre des parts de marché. Eh oui, c'est dramatique. Le navigateur web de Microsoft reste le plus utilisé avec 62% de parts de marché, mais il a encore perdu 2,5 points depuis mars et 5 points depuis l'année dernière. Alors en face, Firefox, c'est pas lui le danger, puisqu'il détient toujours un tiers du marché, ça ne bouge pas, mais ce sont surtout les petits navigateurs, Safari d'Apple et Chrome de Google qui séduisent petit à petit. Chrome de Google fait beaucoup de mal en ce moment sur ce marché. Alors, autre nouvelle, on reste dans l'univers Internet, c'est des adresses Internet en chinois en 2010. Oui, le patron Likan, c'est le patron mondial des noms de domaines sur Internet. Il l'a promis cette semaine, il y aura dès juin 2010 des adresses de sites Internet qu'il faudra écrire avec des caractères chinois, arabes ou hindi. Alors bon, en revanche, on ne sait pas encore quelle méthode sera choisie pour saisir ces URL depuis un clavier avec un alphabet romain. Et puis il paraît qu'ils prendront en compte aussi des accents. Voilà, mais pas sur les .fr et les .com. Voilà, hélas. On doit encore attendre un peu. Autre chose, là on descend un peu plus dans la technologie des infrastructures, c'est les premières piles à combustible qui sont produites et c'est Toshiba qui a lancé les premiers modèles. Toshiba qui les lance au Japon. Alors avec un premier modèle pour téléphone portable. Alors petit rappel, une pile à combustible c'est quoi ? C'est une batterie qui n'a pas besoin d'être branchée sur une prise de courant. Pour la recharger, il suffit de la remplir avec du méthanol. Cette pile coûte en l'occurrence un peu plus de 200 euros, mais surtout le gros problème, c'est qu'elle est 3 fois plus grosse qu'un téléphone portable. Voilà, donc ça reste encore. On va la garder sur les ordinateurs portables, mais on attendra encore que ça se réduise et puis faire son petit plein de méthanol chaque semaine. Enfin, on verra quel est le plus pratique des batteries là. Et puis une dernière news cette semaine, Yann Serra, c'est Red Hat, donc l'un des spécialistes aussi de l'univers open source qui investit le marché de la base de données. Oui, alors on connaît pas encore la somme exacte, mais Red Hat viendrait d'investir plusieurs millions de dollars dans EnterpriseDB. EnterpriseDB, c'est l'éditeur de la base de données open source PostgreSQL. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est symptomatique d'un malaise général dans le monde de la base de données. En ce moment, il y a Oracle, le numéro un historique sur ce marché-là, qui est toujours en attente de racheter Sun, lequel détient MySQL. Et MySQL, vous savez que c'est le numéro un de la base de données open source. Donc, il y a peut-être des opportunités pour les autres. L'Europe bloque. Bon, du coup, on se demande si c'est pas finalement Red Hat qui pourrait profiter à la barbe de tout le monde de cette période d'incertitude. On se souvient en effet que Red Hat était devenu du jour au lendemain un acteur principal de Java face à Sun et Oracle, justement, lorsqu'il a racheté leur concurrent Gigos. Et bien là encore, une affaire à suivre. Merci Yann Serra, grand reporter à la rédaction de Zéro Informatique, pour ce tour du monde de l'actualité high-tech. On se retrouve tout de suite sur BFM Radio pour la suite de notre émission sur les projets de relations clients. Zéro Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. Et nous démarrons tout de suite notre débat sur les nouveaux enjeux des projets CRM, la Customer Relationship Management, la relation client. Avec vous, Vincent Lelon, je l'ai dit, vous êtes directeur des services chez Generali. Alors, si on devait définir un peu la relation client, la question est très large, mais voilà, comment vous définiriez aujourd'hui la relation client ? La question est effectivement très large. Savoir s'il faut y répondre globalement ou s'il faut y répondre en tant qu'assureur, je prendrais plutôt le deuxième parti. Sur la relation client pour un assureur, c'est un vrai enjeu. Parce que, d'abord, c'est un élément de différenciation. Il faut comprendre qu'un produit d'assurance, une garantie, ça ne se protège pas, ça se copie immédiatement. Un tarif, ça se décrète. Un service, il y a des sociétés pour faire ça, on les achète. Donc, là, ce qui permet de faire la différence, c'est la relation client. En plus, un produit d'assurance, ça se souscrit pour longtemps. Mais on contacte son assureur à fréquence rare. Donc c'est long, mais fréquence rare. Donc l'enjeu de la relation client est absolument colossal. Donc pour un assureur, la relation client, c'est comment, au bon moment qui se présente rarement, saisir la bonne occasion de faire une bonne impression. Voilà, ah ben je n'arriverai pas à répéter cette définition, mais je sens que nos auditeurs sur BFM Radio ont bien suivi ça. Et en tout cas, on en a bien compris que c'était ce contact client qu'il fallait conserver et puis pouvoir leur offrir plus de services. Mais absolument. On va en parler dans un instant avec ce que vous offrez chez Generali. Je me tourne vers vous, Renaud Finas de Villene. Donc vous êtes directeur marketing chez Micropole Univers. En deux mots, Micropole Univers, c'est une société de services. Société de service, 1100 personnes qui intervient dans quatre grands domaines. La première, c'est la business intelligence, donc c'est tout ce qui est système décisionnel, pilotage, élaboration budgétaire, consolidation. Deuxième grand métier, tout ce qui tourne autour des métiers de l'Internet, donc l'e-business, le MDM, le Master Data Management, on en parlera, parce que c'est une des pierres fondamentales, je pense, dans le domaine du CRM. Ensuite, on intervient beaucoup donc, dans le CRM, dans la relation client, et puis notre dernière expertise tourne autour donc des ERP. Donc voilà, donc aujourd'hui vous allez nous apporter ce côté un peu service intégrateur, voilà comment on intègre tout ça. Alors j'ai une première question, vous, à quoi ça sert? On a compris avec Vincent Lelon les enjeux on a une première définition de la relation client, mais à quoi ça sert d'avoir une plateforme CRM pour une entreprise? Ce qui est intéressant, c'est d'abord, c'est que vous employez le mot de plateforme. Plateforme, ça signifie à mes yeux trois choses. Il y a une organisation, il y a de la technologie et des hommes. Les trois doivent fonctionner ensemble. Et une plateforme CRM, justement, permet de faire le lien entre l'entreprise et ses clients. Aussi bien en appel entrant, c'est-à-dire le client veut contacter l'entreprise, mais également en appel sortant ou en action sortante, on va le voir, c'est tout ce qui est, bien sûr, l'entreprise veut joindre ses clients ou surtout maintenant lui vendre quelque chose à travers les nouveaux canaux. Et alors, on va en reparler au cours de cette émission, mais vous chez Micropole Univers, je l'ai dit en présentation, vous avez fait une étude qui a montré que les projets de CRM, de Customer Relationship Management, de relations clients, étaient plus efficaces, mieux acceptés. Et alors, pourquoi ça a eu du mal quand même à décoller? Oui, alors... Ça fait un moment qu'on en parle du CRM, mais on sent que c'était compliqué, c'était cher, c'était où les besoins des clients n'étaient pas bien définis, hein, c'était un peu tout ça. Le CRM, et on va dire, on a eu la chance d'intervenir assez tôt dans ce qu'on a appelé le CRM, qui était plutôt à l'époque la mise en place de centres d'appel, on va dire début des années 90. Ensuite de ça, une fois que les centres d'appel ont été mis en place, c'était plutôt pour gérer les appels rentrants. Ensuite de ça, bien sûr, l'entreprise s'est intéressée en disant, mais si je peux gérer des appels entrants, quelqu'un m'appelle, je peux peut-être aussi en profiter pour lui pousser quelque chose. Et là, on s'est heurté à des choses difficiles. Pourquoi? Parce que pour pousser, il faut avoir des offres, produits et marketing qui suivent derrière. Tarification, on l'a dit, mais il faut également une définition de l'offre qui soit adaptée au type de client qu'on a en face. Or, ce client, on ne le connaissait pas. Donc on s'est interrogé sur qui il est. Donc le CRM a été beaucoup, je dirais, autour de la connaissance client. C'est ce qu'on a appelé les fameuses bases de connaissance client. Qui est-il? Quel est son historique? Est-ce que c'est quelqu'un qui m'achète souvent? Est-ce que quelqu'un qui m'achète depuis longtemps? Est-ce que c'est un de mes bons clients? Alors est-ce qu'il est gold, silver ou bronze? Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc cette connaissance client a permis à l'entreprise, eh bien, lorsqu'il disposait d'un centre d'appel, de pouvoir lui pousser une offre plus adaptée à son profil. Eh bien, on va se retrouver dans un instant sur BFM Radio pour continuer à parler des enjeux de ces projets CRM de relations clients. A tout de suite. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler des nouveaux enjeux des projets CRM de relations clients. Alors, on était à l'instant avec vous, Renaud Finas de Villene, pour voir un peu pourquoi ces projets CRM avaient eu du mal à démarrer. Je me tourne vers vous, Benoît Gourdon. Vous êtes directeur des opérations Europe et puis cofondateur de la société Neolan. En deux mots, Neolan, c'est un éditeur de logiciels. Oui, absolument. Nous sommes un éditeur de logiciels français. Il faut bien le... Absolument, nous sommes fiers souligner, voilà. Absolument, d'avoir créé Neolan en 2001. On a démarré avec 6 personnes. Aujourd'hui, nous avons 120 collaborateurs dans le monde. Et nous sommes spécialisés sur le marketing et la communication, donc un sous-ensemble du CRM, on y reviendra. Et donc, nous proposons à nos clients une plateforme de marketing et de communication qui leur permet de planifier et d'exécuter et de contrôler la cohérence de l'ensemble des offres proposées à leurs clients. Et alors, je reviens avec vous sur cette question que je posais à l'instant à Renaud Finas de Vilaine de Micropole Univers. Pourquoi ça a mis du temps à décoller? Voilà, c'est vrai qu'on parle des centres d'appel, du CRM, et puis voilà, on connaît des gros projets. Il y avait des éditeurs comme Cybelle qui ont depuis été rachetés par Oracle, qui ont fait signer, enfin qui ont gagné un argent monstre. Hein, et puis voilà, on n'a pas forcément vu les résultats de ces contrats. C'est... Alors, je crois qu'il y a deux facteurs. Il y a un facteur conjoncturel qu'on oublie un petit peu, c'est que le CRM est né au moment où l'économie allait très très bien. Et donc, on a pu dépenser beaucoup d'argent à un moment où il y avait beaucoup d'argent. Donc forcément, ça, je dirais, accélérer les excès liés potentiellement au CRM. Cela étant, pour revenir sur ce que disait Renaud tout à l'heure, c'est vrai que les projets CRM ont rencontré comme première difficulté l'accès aux données. Dès qu'on veut parler à un client, il faut savoir qui il est. Et donc, le CRM a essayé de concentrer en un seul endroit toutes les données nécessaires à 100% pour parler à un client. C'était un peu trop posé de questions. Voilà, ça c'était trop. C'était trop compliqué. Et aujourd'hui, on fait des projets plus maîtrisés, avec des objectifs plus court terme. Et on n'a pas besoin d'agréger toutes les données à un seul endroit pour être capable de parler dignement à un client. Vincent Generali, puis après on tirera un trait sur cette partie historique, mais chez vous, Vincent Lelon, pardon, de Generali, ce côté CRM, vous aussi chez Generali, vous avez vu, ça a mis du temps à démarrer. Bon, au-delà de Generali qui a été aussi, il y a eu plusieurs fusions, enfin il y a l'organisation elle-même de l'entreprise, mais voilà, vous êtes d'accord avec ça, c'était compliqué de définir le. Oui, je suis complètement d'accord. Je crois que l'aspect de mettre un peu d'humilité, un peu contraint par les moyens, mais finalement par l'opérationnalité de l'approche est complètement exact. En ce qui nous concerne, c'est vrai que ça démarre un peu plus tard parce qu'on était plutôt dans une phase de constitution de groupe avec des fédérations de sociétés d'assurance qui n'étaient pas forcément sur les mêmes modes de fonctionnement avec notre enjeu sur les deux dernières années. C'était l'organisation de l'entreprise, de la construire, et que du coup la vision, alors a fortiori du client, est encore plus compliquée parce qu'il y a une vraie multiplicité des systèmes. Donc je suis complètement d'accord pour dire que il faut sans doute mettre un peu plus d'humilité sur ce sujet-là, et que la maturité, elle vient de la simplicité, et que à demander moins, on arrive sans doute à fournir plus. Et c'est ce qu'on fait en ce moment avec la vision 360, elle doit être simple. Je voulais juste rajouter que les plateformes CRM, elles doivent se nourrir effectivement d'un accès aux données, mais elles sont aussi un formidable outil pour l'alimenter et pour alimenter ces données-là. Donc il y a le sujet aussi de la capture d'informations qui est à traiter. Et puis je pense qu'il y a dû y avoir des histoires aussi culturelles. C'est vrai que dire à des commerciaux de mettre toutes leurs données dans une base que tout le monde peut partager, voilà, il faut faire accepter ça aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être plus évident parce qu'on a l'habitude de travailler dans le collaboratif, et ça l'était peut-être moins à une certaine époque. Alors je vais revenir vers vous, Renaud Finas de Vilaine de Micropole Univers. Donc vous avez fait cette étude qui montre qu'aujourd'hui les projets, ça y est, on est vraiment dedans, ça a bien démarré. Alors quels sont les principaux avantages qui ressortent de ces solutions de CRM? Alors, effectivement, on a conduit cette étude donc sur 4 mois avec un questionnaire en ligne. On a eu 139 réponses qui a dépassé nos attentes. On s'est dit à 100 réponses, on aura déjà une bonne vision de ce qui se passe sur le marché. Et ce que l'étude a montré, c'est qu'aujourd'hui les utilisateurs sont satisfaits de leur système. Par contre, la seconde question qui vient juste après, c'est la question du retour sur investissement. Tout le monde ne voit pas le retour sur investissement de la même manière. Et c'est le grand point d'interrogation. Je dépense X milliers ou centaines plutôt de milliers d'euros, voire des millions d'euros, et je ne suis pas sûr que j'en retire un réel bénéfice immédiat. Et on s'est intéressé sur la période. Et on a vu que les utilisateurs étaient plutôt satisfaits à différents niveaux. Le premier, ça a amélioré le travail collaboratif. Vous l'avez très bien dit. Ça permet d'avoir au moins un langage commun sur qu'est-ce que la notion de client, quel est son chiffre d'affaires, la notion de produit. Ou des choses toutes bêtes comme quels sont les champs qu'on leur remplit, est-ce qu'il faut mettre deux adresses. Voilà. D'autre part, après ça, donc une fois qu'il y a eu ce dialogue commun, la seconde interrogation, c'était est-ce que ce genre de système va me permettre de gagner plus, en un mot, d'augmenter mon chiffre d'affaires. Alors, la réponse, quand même l'objectif. Hein. À mon avis, c'est quand même l'objectif. Il y a beaucoup d'entreprises qui n'ont peut-être pas tout à fait vu cet objectif. Le premier était plutôt d'accélérer acquérir de la connaissance. Et Monsieur de Generali, Vincent Lelon l'a très bien dit, au début, il faut bien emmagasiner de la donnée sur ses clients. Une fois qu'on a eu ces données sur ces clients, on a pu, après ça, c'est là où il y a une grande convergence entre la business intelligence et le CRM, c'est que ces données, il a fallu les analyser. Il a fallu les travailler. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il a fallu segmenter ses clients, voir quels étaient les clients les plus intéressants. Après ça, il faut également lier tout ça à la stratégie d'entreprise. Parce que regardez, il y a des exemples flagrants de sociétés qui disent, bah voilà, moi dans le luxe, je m'intéresse plutôt à cette cible de clients. Par contre, il y a des banques qui ont dit, bah moi je m'intéresse plutôt à la population des jeunes, des enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont des comptes et ainsi de suite. Donc la connaissance du client est devenu primordial dans le CRM. Alors on en dira un petit peu plus après. On va en reparler, puis justement ce lien avec le décisionnel. Alors les progrès, vous, Vincent Lelon de Generali, comment vous avez vu l'évolution de ces solutions ? Quels ont été les progrès majeurs ? Bon, simplification de l'usage, on va dire, des interfaces certainement plus ergonomiques, mais encore, c'est mieux adapté à vos besoins ? Alors, j'aurais du mal à faire une réponse outil stricto sensu, et je reprends ce que disait Renaud, c'est que une plateforme CRM, c'est trois choses, hein, c'est organisation, outil et homme. Nous, c'est le mix des trois qu'on a vu progresser, pour les raisons que je vous ai citées tout à l'heure de construction de notre groupe, et l'outil n'en est qu'une petite partie. La partie de l'organisation est extrêmement importante, compliquée, oui, mais importante surtout également, et les hommes, alors là, encore plus. Et je pense qu'on va tout à l'heure, on parlera de multicanal et de cross-canal. La place de l'homme sur les plateformes CRM, je dirais un peu ex-classique, est extrêmement importante. Sur l'outil, nous, ce qu'on a vu évoluer, c'est plutôt effectivement une plus grande facilité d'accessibilité à l'information. Mais voilà, on n'a pas vu de d'évolution absolument fondamentale d'un certain nombre de fonctionnalités. Alors, je vais vous laisser la parole quelques instants, justement, pour parler un peu de ce que vous avez mis en place, vraiment, chez Generali. Voilà, on va, et comme ça nous permettra aussi d'aborder ce côté multicanal. Alors, sur ce qu'on a mis en place, mais en fait, vous savez, nous, on est dans un mode d'organisation très classique sur un assureur qui est en relation avec ses assurés, sachant qu'on est généraliste, multi-réseau, donc on a un certain nombre de relations clients qui sont assurées directement par des réseaux d'agents, des réseaux de courtiers, et notre objectif, c'est sur le reste, c'est-à-dire sur ce qu'on a en direct ou sur ce qui, en aval de nos intermédiaires d'assurance, aboutit dans nos services centraux, comment on les traite. Donc sur ce sujet-là, on a mis en place que des éléments extrêmement classiques de plateformes d'appel entrant. Notre enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable de les fédérer parce qu'ils viennent d'organisations multiples et de compagnies d'assurance différentes à l'origine. Ça, c'est notre premier enjeu. Et notre deuxième enjeu, c'est de les positionner par rapport à d'autres canaux qui sont là émergents. Alors des anciens qui ne sont pas du tout émergents, qui est tout ce qui est courrier, mais surtout canaux émergents, que ce soit web ou mail. Et aujourd'hui, vous essayez au maximum d'amener ces gens, on imagine, vers le web, vers toutes ces technologies ? On n'essaye pas. Ce qu'on fait, c'est qu'on est vraiment en offre multicanale. Et notre objectif, c'est pas d'essayer de pousser un canal par rapport à l'autre, c'est de s'assurer que l'ensemble des canaux sont ouverts, qu'ils sont utiles et qu'ils rebondissent les uns par rapport aux autres. On n'a pas aujourd'hui une politique de promotion spécifique d'un canal par rapport à un autre. On a un souci permanent de s'assurer que ces canaux sont cohérents entre eux. Est-ce que c'est ça qu'on appelle, je vais me tourner vers vous, Benoît Gourdon de Neolan, la vision à 360 degrés, c'est un peu ça, on essaie d'avoir... Oui, c'est la difficulté, on parlait tout à l'heure de multicanal, nous on préfère parler de cross-canal, parce qu'en fait le multicanal c'est l'adjonction d'une somme de canaux qui ne se parlent pas forcément, qui ne sont pas forcément cohérents. On parlait tout à l'heure du CRM, le CRM a d'abord démarré sur le call center, ensuite à regarder un peu les autres canaux. Alors, comme on va le dire web. Un instant pour les auditeurs de BFM Radio, le CRM, je le répéterai souvent, mais Customer Relationship Management dans la relation client, et donc les call centers sont les centres d'appel. Voilà, le CRM a d'abord démarré par le centre d'appel. C'est le premier point de contact qui a servi lors de la création, je dirais, de ce 360 degrés. Et ensuite, les autres canaux sont arrivés. La difficulté, c'est bien sûr d'avoir une vision cohérente, transversale de l'ensemble des offres qu'on va être susceptible de proposer à un client. Et je rebondis sur ce que vous disiez, Vincent, tout à l'heure, c'est pas forcément à l'entreprise d'imposer un canal au client, c'est le client qui doit pouvoir choisir son canal en fonction des produits qu'il est susceptible d'acheter, de son âge, de tout un tas d'éléments qui lui sont propres. Et ensuite, l'entreprise doit proposer à ce client la bonne offre quel que soit le canal, avec de l'interactivité, on y viendra, et potentiellement, si nécessaire, du temps réel. Voilà, et c'est ça le vrai enjeu. Voilà, c'est pas de décliner ce qu'on fait avec le courrier sur le web, sur le téléphone mobile et tout ça. Eh bien, on va continuer à parler de tout cela dans un instant. On se retrouve après le journal de l'économie avec tous nos invités pour continuer à parler des nouveaux enjeux, des projets de relations clients. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. On se retrouve sur BFM Radio avec nos invités pour parler des nouveaux enjeux des projets de relations clients avec Renaud Finas de Vilaine, directeur marketing de Micropole Univers, Benoît Gourdon, directeur des opérations et cofondateur de Neolan, et Vincent Lelon, directeur des services chez Generali. Mais avant de retrouver notre débat, nous accueillons Élise Barbet, journaliste à la rédaction de 01 Informatique. Alors Élise, vous êtes intéressée aux réseaux sociaux. Alors on avance un peu là, on vient faire un grand bond dans notre débat, parce que justement, ces réseaux sociaux... Voilà, Frédéric, on peut dire qu'il y a une dimension de social CRM dont s'emparent les éditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est que le social CRM ? Un réseau social CRM. Voilà, alors, c'est un environnement de gestion de la relation client, donc GRC, qui intègre la dimension 2.0 et qui se décline selon deux axes. Le B2B, business to business, et le B2C, le business to consumer. Donc, l'axe B2B concerne l'aspect collaboratif des réseaux sociaux internes qui sont utilisés pour partager l'ensemble des documents commerciaux, les plaquettes, les détails des offres ou les contacts. Et le partage de la connaissance facilite donc l'exploitation de retours d'expérience. Et on peut créer des opportunités commerciales ou aider à réaliser des ventes complexes. Alors au niveau du consommateur que nous sommes tous, même ceux qui nous écoutent sur BFM Radio, comment ça se traduit ? Alors dans le B2C, le social CRM concerne notamment la surveillance en temps réel des commentaires des internautes. L'émergence du social CRM, c'est lié en fait aux nouvelles pratiques des consommateurs sur les usages et les services associés aux produits vendus sur les sites de commerce électronique. Et ce qui est dit sur le produit influence quand même l'achat d'environ 20% des produits. Mais pourtant, les commentaires ne sont pas forcément positifs, quoi. Il y a un peu de tout. Il y a les étoiles, il y a une étoile, 5 étoiles. Oui, mais il faut quand même dire qu'il est toujours préférable de gérer les commentaires sur son propre site que de les voir apparaître à l'extérieur. Et alors, comment justement on peut gérer ces commentaires qui viennent de sites extérieurs ? Alors, il y a des systèmes de mesure de tendance qui permettent d'évaluer l'irréputation d'une marque et l'impact de campagnes marketing. Alors, ils mettent en œuvre des outils d'analyse sémantique et l'objectif, c'est pas de répondre ponctuellement à des internautes, mais c'est bien d'adapter la vision marketing de l'entreprise en fonction des réactions positives observées sur Internet. Et alors, quelles conséquences ça a sur les entreprises aujourd'hui ? Alors, on voit qu'il y a des postes de directeurs de la gestion de l'expérience qui ont commencé à se créer dans les entreprises et leur objectif, c'est de gérer tout ce qui a trait à l'image de marque de l'entreprise. Et dans certains secteurs comme l'automobile, les télécoms et la vente au détail, il faut être particulièrement vigilant car les consommateurs ne sont pas captifs. Et c'est moins vrai, en revanche, pour les services financiers et pour les nouvelles technologies. Alors, et le social CRM, on peut dire que c'est une réalité économique, on va dire. On peut dire ça, oui. Les entreprises ont compris que les réseaux sociaux étaient une préoccupation importante de la GRC, mais les utiliser dans une stratégie multicanale, eh bien, c'est pas évident. Et en France, la CNIL veille à ce que les données des individus ne soient pas employées sans leur consentement. Il faut donc éviter l'utilisation de réseaux comme Facebook, comme source de données de prospection et aussi des campagnes marketing intrusif sur ces réseaux. Eh bien, merci Élise Barbet, journaliste chez 01, pour cet éclairage. Je vais tout de suite vous faire réagir. C'est vrai qu'on a fait un bond dans notre débat, mais Vincent Lelon, ces réseaux sociaux qui apparaissent, voilà, c'est vrai qu'on peut récupérer plein de données à travers Facebook, hein, plus que même les internautes ne le pensent eux-mêmes. Est-ce que voilà, c'est un créneau aujourd'hui? Un créneau, je sais pas, je serais peut-être pas aussi catégorique. En tout cas, un point d'étude actuel, absolument, absolument. Mais d'ailleurs, dans les deux sens, hein, pour l'assureur, le sujet il se pose aussi dans l'autre sens. C'est comment les uns les autres, on va pouvoir valoriser notre capital confiance, qui sera notre monnaie de demain. Et quand sur des réseaux sociaux, vous êtes jugé avec 1, 2 ou 3 étoiles, comment on peut se protéger contre demain passer de 5 étoiles à 2 étoiles? Comment je suis capable de préserver mon chiffre d'affaires ou ma réputation? Et ça, aujourd'hui, vous avez des gens chez vous qui regardent, qui scrutent un peu tous les sites pour voir ce qu'on peut raconter sur les produits Generali, on va dire, je pense que c'est important, c'est vivre avec son temps, et ne pas le faire serait à mon avis irresponsable, bien évidemment. Renaud Finas de Vilaine, là, dans cette histoire des réseaux sociaux, vous voyez une demande un peu plus oui, forte? Oui, complètement. Alors moi, j'ai beaucoup aimé la réflexion d'Élise sur le B2B. Nous, on est plus B2B. Chez Micropole Univers, bien sûr. Et on a, par exemple, un besoin énorme d'échange de documents avec nos clients. Et donc, on mettait toujours des intranets. On était obligé d'ouvrir une fenêtre dans l'intranet pour donner, je dirais, l'accès à nos clients. C'est les rapports de mission, c'est les conseils, les rapports de conseils de pilotage, c'est tout ce que vous voulez, des projets. Et donc, on s'est aperçu très vite ce besoin que nous avions d'échanger des documents avec nos clients. Donc, dans notre GRC, dans notre système de CRM, de relations clients, donc on a un espace collaboratif. Pour le moment, donc, il est purement en B2B. Mais on a beaucoup de clients qui, eux, travaillent bien sûr dans le B2C. Et c'est aujourd'hui quelque chose d'absolument, à mon avis, essentiel de regarder ce qui se dit. Parce que si vous voulez vendre, il faut quand même que les commentaires des acheteurs soient quand même plutôt positifs. Oui, si jamais il y a des commentaires négatifs, vous êtes quand même mal barré. Donc la e-réputation devient quelque chose d'absolument primordial. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une convergence extraordinaire entre ces systèmes de la relation client, les systèmes de veille, ce qu'on appelle les systèmes de veille, donc on surveille le marché pour savoir qu'est-ce qui se dit, sur le produit, parce qu'on peut vous démolir en 30 secondes. Et ça va extrêmement vite, et ça prend beaucoup de temps et d'argent pour remonter la pente. Donc voilà, donc c'est plusieurs axes. Benoît Gourdon de Neolan, justement, je reviens sur ce côté multicanal. Donc voilà, il est dans tous les sens, quoi. Tout à fait. Alors, sur les réseaux sociaux ou sur, en général, des canaux assez innovants, enfin, en ce qui nous concerne, on est né du web et on a étendu notre offre aux canaux plus traditionnels. Dès le départ, c'était ça. Donc, pour vous, le e-marketing. Le e-marketing, c'est vraiment. E-marketing, c'est du web, mais vous êtes parti d'emblée sur le web. Tout à fait, absolument. Ce qui fait qu'on a adapté, si vous voulez, en fait, l'agilité nécessaire au web aux canaux plus traditionnels et pas l'inverse. Donc, ce qui nous a permis de faire des tests assez tôt en ce moment. On a des tests sur Twitter, sur Facebook. On a aussi des tests sur, là je parle en B2C, c'est-à-dire comment peut-on utiliser Facebook ou Twitter dans le plein respect des utilisateurs et des données pour apporter de la valeur à la marque. On a aussi un autre test, enfin c'est plus qu'un test puisqu'il est en production. Alors comment ça se passe? Vous avez des automates qui scrutent tout ça sans cesse sur les mots-clés? En fait, il faut que la marque soit présente sur Facebook ou Twitter par exemple, et qu'ensuite cette marque soit considérée comme un utilisateur, et on crée des communautés qui vont s'inscrire finalement, tout comme on organiserait une réunion, on va organiser une communauté Facebook autour de IMI, puisque IMI a une présence assez forte sur Facebook, c'est un de nos clients. Et ensuite, on va utiliser IMI Music. La musique, donc, voilà, absolument. Et donc, on va utiliser cette relation que l'internaute a voulu, puisque c'est lui qui s'est inscrit finalement à cette communauté, pour lui donner accès à des informations privilégiées. Donc, vraiment, le secret, c'est d'apporter de la valeur à l'internaute. Si vous arrivez avec une communication qui présente pas d'intérêt, qui est décalée par rapport à ses besoins, c'est vraiment perçu comme de l'intrusion. Un autre canal que je pense intéressant de citer, c'est les assistants virtuels. C'est un petit humain que vous voyez sur le web. Ça marche vraiment. Alors, on a un exemple qui est Mornay, un client qui utilise ses assistants et dont le discours, le texte qui sera dit par cet assistant va varier en fonction du login de la personne, de son historique dans la base marketing et de son surf sur le web. Et les résultats sont assez étonnants. On a fait un séminaire récemment et on avait plus 30% sur le temps que l'internaute va passer pour regarder cette information et plus 15% en transformation. En revanche, il ne faut pas considérer ça comme un résultat définitif. Le marketing doit toujours tester, parce que là, on a un effet nouveauté évident qui influe sur le résultat. Alors, Vincent Lelong de Generali, ce genre... Vous avez fait une plateforme où vous mettez... Parce que vous avez eu un trophée, il faut le dire, récemment, sur les palmes d'or de la relation client, qui était organisée lors d'un salon centré sur la relation client. Et vous avez mis des choses avec de la visiotéléphonie. Enfin, voilà, vous avez fait pas mal d'innovations aussi. Racontez-nous ça. Ben avec plaisir. Alors c'est technologiquement beaucoup plus simple que ce qui vient d'être raconté, mais bon, c'est une palme qui a été remise par la FRC, c'est l'Association Française des Relations Clients. Je cherchais le nom dans mes notes, mais voilà. Je vous aide. qui regroupe 1000 entreprises qui comptent sur le secteur, soit parce que c'est des pros de la relation client, soit parce que c'est une vraie reconnaissance de la profession. Alors on en est très fiers, d'autant plus que les trois autres nominés, c'est Canal+, Toyota et Bouygues Télécom. Ouais, donc ça met autant au niveau, donc on en est encore plus fiers. L'intérêt qu'ils portent à leurs clients. Et donc on a reçu la Palme d'Or de l'innovation de la relation client sur un sujet qui est simple, qui est le service accueil visio. C'est comment on met en relation un assuré de Generali avec un expert sur sa problématique à distance, dans les conditions les plus proches du direct et du face-à-face. Pour ça, on a combiné trois choses. Une technologie qui est déjà plutôt bien maîtrisée, qui est la technologie de la visioconférence. Un processus d'accueil et d'accompagnement d'un assuré sur un site distant. Et un processus de détection de compétences et mobilisation de compétences au plus rapide dans le site, cible, qui est le site de gestion. Voilà, donc c'est la combinaison de ces trois choses-là qui nous a permis d'avoir... Donc ça veut dire que l'assuré se connecte sur le site... C'est pas de la connexion, c'est de la visite. C'est-à-dire qu'il se trouve que sur les compagnies d'assurance, on a souvent obligation dans les mentions légales de mettre notre adresse du siège, et que se retrouve sur le siège de Generali qui est boulevard Haussmann de façon un peu pompeuse et assez impersonnelle, des gens qui avec leur dossier d'assurance, avec des trucs à régler, qui sont soit des réclamations, soit des petits... Et ils se retrouvent perdus dans un monde de marbre, de calme. Et c'était jusqu'à maintenant la catastrophe. Qu'est-ce qu'on a fait ? Ce qu'on a fait, c'est que on a créé en fait un endroit où on les accueille et où se retrouvent en liaison directe et immédiate avec à distance. Donc là, c'est pas très loin, c'est à 30 km, c'est à Saint-Denis, avec des experts qui peuvent traiter leurs problèmes donc directement. Ils vont au siège donc dans Paris et là il y a une pièce, une salle qui est réservée à ce siège et là ils peuvent converser avec un. Voilà, c'est un bureau d'accueil visio, mais ça, c'est techniquement c'est assez facile. Ce qui était important, c'est que il y a tout le processus de prise en charge et pendant qu'on les prend en charge, il y a la transmission du dossier par scan directement sur les experts, sélection de l'expert, mobilisation de l'expert. Donc il y a toute une combinaison entre une technologie simple et des processus qui fait que quelqu'un qui allait normalement se retrouver un peu perdu parce que c'était pas le bon endroit où il devait aller, eh ben il va être parfaitement accueilli et son problème va lui être parfaitement réglé. Et donc ça veut dire qu'il y a plus de documents. Vous parlez de scan, il y a plus de documents papier. Une fois que c'est dans l'entreprise, c'est chez vous, il y a plus de documents papier. Enfin moins. Alors ça serait trop beau. Malheureusement, ça c'est ce qu'on vise. C'est ce qu'on vise. Alors on est forcément en plein dans ces sujets-là, que ça soit la GED à l'entrée ou la dématérialisation en sortie. Ça fait partie de nos gros sujets parce qu'on est des gros consommateurs et émetteurs de papier. Pour autant, on n'en est pas encore là, mais on y travaille fortement. Oui. Eh bien, on va continuer à en parler dans un instant sur BFM Radio avec nos invités, parler de tous ces enjeux des projets CRM, relations clients. Il y a encore beaucoup de choses à dire. 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Uniquement sur BFM Radio. On quitte un instant notre débat sur BFM Radio. On retrouve Élise Barbé, journaliste à la rédaction de Zéro Informatique, pour notre séquence coup de pouce à une start-up. Vous avez en ligne, Élise, Miguel Valdez-Fora, qui est cofondateur de Bonita Soft. Alors bonsoir, Miguel Valdez-Fora. Oui, bonsoir. Alors comme on l'a dit, vous êtes cofondateur donc, de Bonita Soft. Alors la société est toute nouvelle, elle a été créée il y a 3 mois, mais le produit, lui, est mature. Il a été créé en 2001 à l'INRIA. Alors vous en avez développé une plateforme de gestion de processus. Alors expliquez-nous, c'est quoi la gestion de processus qu'on appelle BPM? Oui, tout à fait. En fait, les solutions de gestion des processus métiers, ce qui vont permettre aux entreprises, c'est très rapidement d'automatiser leurs processus à travers la mise en place d'applications qui vont être très simples et faciles à maintenir. Pour vous donner quelques exemples des processus qu'on peut automatiser avec ce genre d'applications, il peut s'agir des processus critiques, donc par exemple dans des secteurs comme l'automobile, pour la fabrication des voitures. Il peut s'agir des processus plutôt administratifs, dans ce qu'on trouve dans la plupart d'organisations d'entreprises pour gérer les processus des ressources humaines, donc les applicatifs des ressources humaines. Ça pourrait être aussi n'importe quel processus transverse à tout type d'organisation, comme par exemple les processus d'achat, ou les applications d'achat avec des fournisseurs, ou les applications et les processus voilà, de vente. Alors, applications d'achat, processus de fabrication de voitures. Bon, c'est surtout sur le volet open source que vous comptez marquer les esprits. Et votre produit, donc, c'est le moteur Bonita, est le premier BPM libre d'entreprise. Alors, qu'est-ce que vous souhaitez concurrencer avec ce produit? Le concurrent, c'est directement les sociétés ou les éditeurs de logiciels traditionnels, commerciaux, donc les Oracle, IBM, Lombardi, qui développent depuis des années des solutions justement des BPM, mais évidemment avec un modèle de notre côté autour de logiciels libres, de l'open source, qui nous permet à la fois d'être très agressif à niveau du modèle économique, parce qu'on n'est pas en train de vendre un produit, le produit il est téléchargeable gratuitement depuis notre site web, et donc nos clients ils payent que pour les supports et la maintenance, donc évidemment ça fait des réductions des coûts qui sont très très intéressants. On est en train de parler des réductions de au moins 10 fois les prix d'achat classiques d'une solution équivalente chez Oracle, chez Lombardi, chez IBM. Et d'un autre côté, ça nous permet d'être très agressifs avec un marketing viral via la communauté. Donc, parce qu'en fait, du fait que n'importe qui peut télécharger un logiciel. Vous avez été soutenu d'ailleurs ces dernières années par Bull. Vous étiez responsable de l'activité gestion de processus et vous avez levé 2 millions d'euros il y a 2 mois. Alors, on peut se demander quels sont vos projets pour les prochains mois? Oui, tout à fait. En fait, ça fait, comme on disait, la société, elle est toute jeune, hein, mais le produit, hein, il a été quand même créé il y a 8 ans et soutenu par des industriels comme Cambul. Hein. Donc, la récente levée des fonds qu'on vient d'annoncer il y a juste quelques semaines, ça va nous permettre d'accélérer notre croissance, hein, de sortir une nouvelle version de produit, de signer des partenariats à l'international qui permettent de la dissémination du produit et de préparer notre l'ouverture de notre filiale aux États-Unis qui est prévue l'année prochaine. Eh bien, merci Miguel Valdés-Fora. Vous êtes, je le rappelle, cofondateur de Bonita Soft, une entreprise que vous pouvez retrouver dans 01 Informatique. Merci Élise Barbé, journaliste à la rédaction de 01 Informatique. Et on se retrouve tout de suite sur BFM Radio avec nos invités pour continuer notre débat sur le CRM, la relation client. BFM Radio, 01 Business, l'innovation technologique au service de votre entreprise. Frédéric Simotel. Encore quelques minutes pour continuer à parler des nouveaux enjeux des projets de relations clients avec nos trois invités, Renaud Finas de Vilaine de Micropole Univers, Benoît Gourdon de Neolan et Vincent Lelon, directeur des services chez Generali. Alors on a parlé multicanal notamment avec vous, Benoît Gourdon de Neolan, et on a bien compris qu'aujourd'hui, c'était pas la peine d'essayer de donner la priorité à tel ou tel canal. Vraiment, il faut s'adapter à ce que cherche le client. Je dirais qu'il faut un petit peu retourner la problématique telle qu'elle était posée jusqu'à présent. C'était plutôt l'entreprise qui regardait son client au travers de différents canaux et ces canaux étaient indépendants. Alors que dans la pratique, c'est quand même le client qui s'adresse à l'entreprise et qui doit la voir de manière unifiée et que tout ce qui lui soit proposé soit cohérent. C'est un vrai enjeu, c'est compliqué, mais aujourd'hui, c'est indispensable. Il y a notamment un élément qui est très important, c'est qu'il y a des vitesses, disons, des constantes de temps qui sont très différentes. Quand vous êtes sur le web, c'est extrêmement interactif, c'est quasiment temps réel pour la proposition des offres. Dès que vous vous attachez à communiquer au travers de catalogues ou de courriers, on parle de semaines, voire de plusieurs mois entre le moment où on conçoit et le moment où on s'adresse au client. Ouais. Et réconcilier tout ça, c'est compliqué, c'est l'intérêt de la plateforme. Alors justement, Vincent Lelon de Generali, c'est compliqué justement de gérer tous ces canaux parce que voilà, chez un assureur, bah vous avez tout, vous avez des jeunes ou des moins jeunes, parce que c'est pas forcément les plus jeunes qui vont vers le web et c'est pas forcément les moins jeunes qui restent sur le courrier. Voilà, comment vous réussissez à gérer tout ça, puis à leur offrir toujours un même niveau de service, de produits? Alors, qu'on y réussisse aujourd'hui, j'en sais rien, mais qu'on en soit préoccupé, ça c'est possible. Nous, notre certitude, c'est que, et je partage l'avis de Benoît, c'est qu'il n'y aura pas un seul canal qui marchera. Par exemple, on peut tout à fait avoir, et c'est ce qu'on constate nous régulièrement, c'est que une transaction qui commence sur Internet, ça se termine chez un agent. On peut basculer, il y en a qui basculent de l'un à l'autre. Et je vous dirais même l'exemple, c'est une transaction d'achat de produits d'assurance qui commence sur Internet, elle continue par un appel téléphonique en soutien parce qu'il y a quelques questions, elle se termine chez un agent ou chez un courtier parce que pour finir et pour X raisons, l'assuré ou le prospect préfère conclure en face à face. Et vous, votre rôle, c'est faire en sorte que ce soit le conseiller au téléphone ou le conseiller en agence, il ait toujours les mêmes données, le même dossier sous les yeux, que la personne ne soit pas obligée de... Alors, effectivement, il y a un enjeu extrêmement fort d'unicité des bases, ou en tout cas de bon déversement des bases entre elles, voire même de dossiers partagés, qui est très très fort, qui n'est pas un sujet facile, qui n'est pas un sujet immédiat sur lequel on travaille, parce qu'il s'agit d'appareiller des systèmes, alors historiquement de compagnies différentes, mais là on est plutôt de modes de capture un peu différents et un peu distants. C'est pas la même chose d'aller récupérer une donnée chez un agent, voire chez un courtier qui lui, alors là, est propre et maître de sa boutique, versus récupérer des éléments qu'on a pu regarder sur le comportement d'un assuré sur Internet, mm-hmm. ou même au téléphone. Donc c'est effectivement un exercice qui est loin d'être aisé. Alors justement, toutes ces données, je vais me tourner vers vous, Renaud Finas de Vilaine. Donc Micropole Univers, vous avez aussi cette compétence business intelligence, de décisionnel, d'analyse des données. Et là aujourd'hui, on est c'est deux univers qui se rejoignent, hein, la relation client d'un côté, l'analyse de données de l'autre. Tout à fait. Une fois que ces systèmes ont permis l'acquisition de données, la BI a apporté toute son intelligence, je dirais, dans le traitement de ces données. Et les entreprises s'en sont servies pour, je dirais, faire plusieurs choses. La première, donc, avoir l'historique du client. C'est très intéressant de savoir qui il est, qu'est-ce qu'il a commandé, combien il achète par an, combien de fois il voit dans un, il vient dans c'est, c'est important pour l'entreprise et c'est important aussi pour le client de pas avoir à tout répéter aussi à chaque fois. De se savoir reconnu, c'est-à-dire que dès qu'il se connecte aussi de ce côté-là. Entièrement d'accord. Dès qu'il appelle d'une manière quelconque, tout de suite on dit bonjour Renaud Finaz. On peut même dire comment ça va et après on rentre dans le vif du sujet. Deuxièmement, les entreprises s'en sont beaucoup servies pour faire ce qu'on appelle l'analyse du panier. Generali a plusieurs offres, il a donc un panier moyen, qu'est-ce que son client ou ses clients lui achètent, et donc ce qui est intéressant, ça va être de savoir qu'est-ce qu'il a acheté pour pousser ce qui n'a pas encore acheté, et c'est là où les produits ont peut-être la meilleure marge. On est un peu comme sur les sites internet, ceux qui ont acheté ça ont aussi voilà. acheté ça. La recommandation, donc c'est très amusant, bien sûr, il y a tous les systèmes donc, de recommandations et de segmentation. Vous avez acheté ça, ceux qui ont acheté ça ont également aimé ça. Le danger, c'est que je suis parti où je vais voyager, je m'intéresse juste au bouquin de voyage de ce pays et je reçois, vous voulez tout savoir sur la cuisine, la musique, le machin. Il y a des clients qui n'ont absolument rien à faire. Après ça, il y a tout un pan qu'on oublie, c'est tout ce qui est, et à mon avis, Vincent doit être très au courant, c'est tout ce qui est détection d'anomalies, la fraude. Détection, dans les banques, on travaille beaucoup sur les transactions anormales. On a tous été, plus ou moins eu notre carte bleue piratée. Bon, les banques le savent comment ? Parce qu'il y a des achats qui sortent de l'ordinaire. Il y a des choses voilà. comme ça qui passent. Ça, c'est du CRM analytique. Et là, la business intelligence apporte tout son savoir-faire. Alors, Vincent Lelon, Generali, oui, vous regardez, enfin, vous avez ces processus d'analyse de données sur vos données. Oui, enfin, on a d'analyse de données, analyse de comportement et j'irai analyse de process tout court. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme dans des banques, on est à fréquence plus rare. Donc la fraude, elle se détecte un peu différemment, je dirais plus dans les processus classiques à ce jour. Mais pas seulement sur la fraude, quelqu'un qui a une assurance vie, on lui dit, bah, tiens, peut-être selon son âge, on va lui offrir un type d'assurance. Voiture, moto, enfin voilà, il y a tout un, je parle des, mais on imagine aussi pour les entreprises, c'est identique. Comment ça se passe ? Parce que ça fait une masse de données incroyable à gérer, tout ça. Oui, tout à fait. Alors, on n'est pas au bout de ça, hein. C'est-à-dire que je ne pense pas que les assureurs soient vraiment à la pointe de ces sujets-là, mais on y travaille fortement. On en est déjà, effectivement, à déterminer des capacités de vente liée, de cross-selling, de upselling, de toutes ces choses-là, on les travaille. On les regarde en fonction des segments de clients, et là, on a réfléchi fortement aux segments en fonction de la valeur client. On y travaille en fonction des produits détenus et des réseaux d'origine également, pour voir comment on peut combiner et enrichir une offre en fonction d'un point de détention à un moment donné, de voir comment on peut faire évoluer ça. Bien sûr, c'est des éléments extrêmement importants. Et vous n'avez pas peur parfois, enfin certainement vous l'avez, mais ce CRM, ça veut dire beaucoup de données qui viennent vers le client, mais que le client, il sature à un moment, il reçoit tout un tas d'informations il voulait juste son assurance vie, puis on lui demande plein de trucs. Alors on en est déjà des boîtes aux lettres papier engorgées, on a déjà du spam, on nous appelle. Enfin voilà, comment vous gérez tout ça, cette insatisfaction de certains. On en est conscient, on y fait attention. Nous, notre premier sujet sur le CRM, c'est déjà de capturer et d'ingérer l'information entrante, plus que de la ressortir à outrance. Notre sujet, c'est effectivement bien d'aller chercher le moment, le bon moment et uniquement le bon moment où on peut placer l'élément complémentaire. Il ne s'agit pas de noyer le prospect ou l'assuré sous donc sous là des aussi vous avez d'infos. des algorithmes, voilà, des méthodes un peu pour on y travaille. Oui, je vous dis encore une fois, on n'en est pas là, on est plus dans l'exploitation de données pour être d'accord. sûr que c'est la bonne offre plutôt que de filtrer la multitude d'offres qu'on pourrait faire. Alors c'est très intéressant, on peut rebondir parce qu'aujourd'hui c'est un problème absolument crucial, je dirais, pour les entreprises. C'est ce qu'on appelle donc la pression marketing. Jusqu'où je peux aller dans le lancement du nombre de campagnes marketing sans que le client un jour me dise j'en ai marre, j'arrête tout, tu n'as plus le droit de me contacter. Donc ça, il y a des logiciels qui permettent tout à fait de mesurer cette pression et on le voit très bien. Lorsqu'on lance une campagne marketing, on voit bien le taux de réponse, surtout si on la lance via, je dirais, les médias traditionnels et en même temps sur le web, c'est le nombre d'ouvertures, le nombre de clics. Ça vous travaillez là-dessus aussi, Benoît? Typiquement, là, on est 100% sur notre métier. Je rejoins. Je rappelle, vous êtes directeur d'opérations chez Neolan, qui est une société justement spécialisée sur le e-marketing. Donc, voilà. Alors, on parle, nous, d'optimisation des contacts, du plan de contact, parce que c'est un sujet qui est compliqué. Quand on parle de pression, c'est pas forcément le nombre de contacts qui va donner un indicateur de pression. Vous pouvez vous adresser deux fois à votre client, et parce que le contenu est totalement inadéquat, il va percevoir ça comme une pression beaucoup plus importante que si vous lui avez fait 5 sollicitations extrêmement bien personnalisées et adéquates. Donc, l'enjeu, il est simple à décrire, c'est j'ai finalement de multiples canaux à ma disposition qui vont permettre à un client d'interagir. Je dois avoir une capacité à lui proposer des offres adéquates, centralisation des offres, description des offres, proposition des offres et arbitrage en fonction à la fois de ce que veut le client, mais aussi des objectifs de l'entreprise. Mmh. Une entreprise peut décider, c'est le mois du crédit dans la banque, à la limite, et c'est mon offre prioritaire, et c'est pas forcément celle qui serait la plus adéquate d'un point de vue rentabilité. Vincent Lelon. Non, j'ai juste un petit point à rajouter pour réexpliquer un petit peu de en ce qui nous concerne. On est aussi une bonne part de notre activité est intermédiaire, c'est-à-dire que c'est pas nous qui allons gérer forcément seuls la pression marketing ou les points de contact qu'on peut avoir avec nos assurés, puisque que ça soit des agents ou des courtiers prennent la main sur la relation commerciale qu'ils ont avec leur assuré. Et bien d'où le marketing distribué qui permet justement de contrôler cette interaction entre l'agence, le point de vente ou la marque. Eh bien, ça pourrait être l'occasion d'une autre émission, parce qu'on arrive au terme de cette émission. J'aurais aimé qu'on parle aussi du software as a service, parce que ces logiciels de relations clients existent aussi en location. Hein. Il y a des sociétés comme Salesforce qui marchent très bien là-dessus, mais ce sera l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas à vous tous. J'espère qu'on a apporté une vision éclairée aux auditeurs de BFM Radio sur ce que sont les projets CRM.